Chapitre 40e, où se continue l'histoire du captif. Sonnet. Âmes heureuses, qui librent par vos belles actions, de l'enveloppe mortelle, vous êtes élevés de la bassesse de la terre à la hauteur du ciel. Vous, qui brûlons de zèle et de noble colère, avez exercé la force de vos corps, qui, de votre sang et du sang d'autrui, avez rougi les flots de la mer et le sable du sol. La vie a manqué avant la valeur à vos bras fatigués, qui en mourant, tout vaincus qu'ils sont, remportent la victoire. Et dans cette triste chute mortelle, vous avez acquis, entre la muraille et le fer, la renommée que donne le monde et la gloire éternelle des cieux. C'est précisément ainsi que je le sais, dit le captif. Quant à celui du fort, prit le gentilhomme, si j'ai bonne mémoire, voici comment il est conçu. Sonnet. Du milieu de cette terre stérile et bouleversée, du milieu de ces bastions renversés à terre, les saintes âmes de 3000 soldats montèrent vivantes à un meilleur séjour. Ils avaient d'abord vainement exercé la force de leurs bras courageux, jusqu'à ce qu'enfin, de lassitude et de petit nombre, ils rendirent la vie au fil de l'épée. Voilà le sol qu'ont incessamment rempli 1000 souvenirs lamentables, dans les siècles passés et dans le temps présent. Mais jamais, de son âpre sein, de plus pures âmes n'auront monté au ciel, et jamais il n'aura porté des corps plus vaillants. Les sonnets ne furent pas trouvés mauvais, et le captif, après s'être réjoui des bonnes nouvelles qu'on lui donnait de son compagnon, reprit le fil de son histoire. « Après la reddition de la goulette et du fort, dit-il, les Turcs ordonnèrent que la goulette fût démantelée, car pour le fort il n'en restait plus rien à jeter par terre. Afin d'aller plus vite en besogne, on la mina par 3 côtés. Mais on ne put en aucun endroit faire sauter ce qui semblait le moins solide, c'est-à-dire les murailles antiques, tandis que toutes les nouvelles fortifications qu'avait élevées le Fratin furent aisément abattues. Finalement, la flotte, victorieuse et triomphante, regagna Constantinople, où peu de temps après mourut mon maître Uchali. On l'appelait Uchali Fartax, qui veut dire en langue turque le renégat teigneux, parce qu'il l'était effectivement, et c'est l'usage parmi les Turcs, de donner aux gens les noms des défauts ou des qualités qu'ils peuvent avoir. Chez eux, en effet, il n'y a que 4 noms de famille, qui viennent également de la maison ottomane. Les autres, comme je l'ai dit, prennent leur nom des vices du corps ou des vertus de l'âme. Ce teigneux, étant esclave, avait ramé 14 ans sur les galères du grand seigneur. Et quand il eut 34 ans passés, il se fit renégat, de dépit de ce qu'un Turc lui avait donné un soufflet pendant qu'il ramait. Et pour s'en pouvoir venger, il renia sa foi. Sa valeur fut si grande que sans passer par les routes viles et basses que prennent pour s'élever la plupart des favoris du grand seigneur, il devint roi d'Alger, et ensuite général de la mer, ce qui est la 3e charge de l'Empire. Il était calabrais de nation, et fut moralement homme de bien. Il traitait avec beaucoup d'humanité ses captifs, dont le nombre s'éleva jusqu'à 3000. Après sa mort, et suivant l'ordre qu'il en donna dans son testament, ceux-ci furent répartis entre ses renégats et le grand seigneur, qui est aussi l'héritier de tous ceux qui meurent et qui prend part, comme les autres enfants, à la succession du défunt. Je tombai en partage à un renégat vénitien qu'Uchali avait fait prisonnier, étant mousse sur un vaisseau chrétien, et qu'il aima tant qu'il en fit un de ses plus chers mignons. Celui-ci, le plus cruel renégat qu'on vit jamais, s'appelait Hassan Aga. Il devint très riche et fut fait roi d'Alger. Je le suivis de Constantinople à cette ville, satisfait d'être si près de l'Espagne. Non que je pensasse à écrire à personne ma douloureuse situation, mais pour voir si la fortune ne me serait pas plus favorable à Alger qu'à Constantinople, où j'avais de 1000 manières essayé de m'enfuir, sans qu'aucune eût réussi. Je pensais, une fois dans Alger, chercher d'autres moyens d'arriver à ce que je désirais tant, car jamais l'espoir de recouvrer la liberté ne m'abandonna. Et quand, en ce que j'imaginais ou mettais en œuvre, le succès ne répondait pas à l'intention, aussitôt, sans m'abandonner à la douleur, je me forgeai une autre espérance qui, toute faible qu'elle fût, soutint mon courage. C'est ainsi que j'occupai ma vie, enfermé dans la prison que les Turcs appellent Bagne, où ils gardent tous les captifs chrétiens, aussi bien ceux du roi que ceux des particuliers, et ceux encore qu'on appelle de l'almacène, comme on dirait de la municipalité, parce qu'ils appartiennent à la ville et servent aux travaux publics. Pour ces derniers, il est difficile que la liberté leur soit rendue, car étant à tout le monde et n'ayant point de maître particulier, ils ne savent avec qui traiter de leur rançon, même quand ils en auraient une. Dans ces bagnes, comme je l'ai dit, Beaucoup de particuliers conduisent leurs captifs, surtout lorsque ceux-ci sont pour être achetés, parce qu'ils les y tiennent en repos et en sûreté jusqu'au rachat. Il en est de même des captifs du roi quand ils traitent de leur rançon. Ils ne vont point avec les autres au travail de la chiourme, à moins que la rançon ne tarde à venir, parce qu'alors, pour les forcer d'écrire d'une manière plus pressante, on les fait travailler, et on les envoie comme les autres chercher du bois, ce qui n'est pas une petite besogne. J'étais donc parmi les captifs du rachat. Car lorsqu'on sut que j'étais capitaine, j'eus beau déclarer que je n'avais ni ressources, ni fortune, cela n'empêcha point qu'on ne me rangeât parmi les gentilshommes et les gens à rançon. On me mit une chaîne, plutôt un signe de rachat que pour me tenir en esclavage, et je passais ma vie dans ce bagne avec une foule d'hommes de qualité désignés aussi pour le rachat. Bien que la faim et le dénuement nous tourmentassent quelquefois, et même à peu près toujours, rien ne nous causait autant de tourments que d'être témoin des cruautés inouïes que mon maître exerçait sur les chrétiens. Chaque jour, il en faisait pendre quelqu'un. Et cela pour si peu de choses, ou plutôt tellement sans motif, que les Turcs eux-mêmes reconnaissaient qu'il ne faisait le mal que pour le faire et parce que son humeur naturelle le portait à être le meurtrier de tout le genre humain. Un seul captif s'en tira bien avec lui. C'était un soldat espagnol, nommé un tel de Saavedra, lequel fit des choses qui resteront de longues années dans la mémoire des gens de ce pays, et toutes pour recouvrer sa liberté. Cependant, jamais Hassan Aga ne lui donna un coup de bâton, ni ne lui en fit donner, ni ne lui adressa une parole injurieuse, tandis qu'à chacune des nombreuses tentatives que faisait ce captif pour s'enfuir, nous craignions tous qu'il ne fût empalé, et lui-même en eut la peur plus d'une fois. Si le temps me le permettait, je vous dirai à présent quelqu'une des choses que me fit ce soldat. Cela suffirait pour vous intéresser et pour vous surprendre bien plus assurément que le récit de mon histoire. Mais il faut y revenir. Au-dessus de la cour de notre prison donnaient les fenêtres de la maison d'un mort riche et de haute naissance. Selon l'usage, c'était plutôt des lucarnes rondes que des fenêtres. Encore étaient-elles couvertes par des jalousies épaisses et serrées. Un jour, je me trouvais sur une terrasse de notre prison avec trois de mes camarades, essayant, pour passer le temps, de sauter avec nos chaînes, et seul alors, car tous les autres chrétiens étaient allés au travail. Je levai les yeux par hasard, et je vis sortir, par l'une de ces lucarnes si bien fermées, une canne de jonc au bout de laquelle pendait un petit paquet, et le jonc s'agitait de haut en bas comme si on nous eût fait signe de venir le prendre. Nous regardâmes attentivement, et l'un de ceux qui se trouvait avec moi alla se mettre sous la canne pour voir ce que l'on ferait, et si on la laisserait tomber. Mais dès qu'il fut près de la muraille, on releva la canne, et on la remua de droite à gauche, comme si on eût dit non par un signe de tête. Le chrétien s'en revint près de nous, et l'on recommença à baisser la canne avec les mêmes mouvements que d'abord. Un autre de mes compagnons alla tenter l'épreuve, et lui arriva comme au premier. Le troisième ensuite, qui ne fut pas plus heureux que les deux autres. Quand je vis cela, je voulus à mon tour courir la chance, et je ne fus pas plus tôt arrivé sous la canne de jonc qu'on la laissa tomber à mes pieds dans le bagne. Je courus aussitôt détacher le petit paquet, et j'y trouvai un mouchoir noué qui contenait 10 siani, monnaie d'or de Basalois dont les morts font usage et qui valent chacun 10 de nos réaux. Combien me réjouit la trouvaille, il est inutile de le dire, car ma joie fut égale à la surprise que j'éprouvais en pensant d'où pouvait nous venir cette bonne fortune, ou plutôt à moi, puisqu'en ne voulant lâcher la canne qu'à mon approche, on avait clairement fait entendre que c'était à moi que s'adressait le bienfait. Je pris mon précieux argent, je brisai le jonc, je retournai sur la terrasse pour regarder de nouveau la fenêtre, et j'en vis sortir une très blanche main qui l'ouvrit et la ferma précipitamment. Cela nous fit comprendre, ou du moins imaginer, que c'était de quelques femmes habitant cette maison que nous avions reçu cette aumône, et en signe de reconnaissance nous fîmes des révérences, à la manière mauresque, en inclinant la tête, pliant le corps et croisant les bras sur la poitrine. Un moment après, on fit paraître par la même lucarne une petite croix faite de morceaux de jonc qu'on retira aussitôt. Ce signe nous confirma dans la pensée que quelque chrétienne devait être esclave en cette maison, et que c'était elle qui nous faisait ce bien. Mais la blancheur de la main et les bracelets dont elle était ornée détruisirent cette supposition. Alors nous imaginâmes que ce devait être une chrétienne renégate, de celle que leurs maîtres eux-mêmes ont coutume de prendre pour épouse légitime, chose qu'ils tiennent à grand bonheur, car ils les estiment plus que les femmes de leur nation. Dans toutes nos conjectures, nous donnions bien loin de la vérité, et depuis lors, notre unique occupation était de regarder la fenêtre, ce pôle nous était apparue l'étoile de la canne de roseau. Mais il se passa bien 15 jours, sans que nous la revissions, ni la main non plus, ni signal d'aucune espèce. Et bien que dans cet intervalle, nous eussions mis tous nos soins, toute notre sollicitude à savoir qui habitait cette maison, et s'il s'y trouvait quelque chrétienne renégate, nous ne pûmes rencontrer personne qui nous dit autre chose sinon que là demeurait un mort riche et de qualité, appelé Agimorato, qui avait été caïd du fort de Bata, emploi de haute importance dans le pays. Mais quand nous étions le plus loin de croire que d'autres Siani viendraient à pleuvoir par là, nous vîmes tout à coup reparaître la canne de jonc avec un autre paquet au bout plus gros que le premier. C'était un jour que le bagne se trouvait, comme à la fois précédente, complètement vide. Nous fîmes l'épreuve accoutumée, chacun de mes trois compagnons allant se présenter avant moi. Mais le jonc ne se rendit à aucun d'eux, et ce fut seulement quand j'approchais qu'on le laissa tomber à terre. Je trouvais dans le mouchoir 40 écus d'or espagnol et un billet écrit en arabe, à la fin duquel on avait fait une grande croix. Je baisai la croix, je pris les écus, je revins à la terrasse. Nous fîmes tous nos révérences, la main se montra de nouveau, puis je fis signe que je lirais le billet, et l'on ferma la fenêtre. Nous restâmes tous étonnés et ravis de l'événement. Mais comme aucun de nous n'entendait l'arabe, si notre désir était grand de savoir ce que contenait le papier, plus grande encore était la difficulté de trouver quelqu'un qui pût le lire. Enfin, je résolus de me confier à un renégat, natif de Murcie, qui s'était donné pour mon grand ami et duquel j'avais pris des garanties qui l'obligeassent à garder le secret que je lui confierais. Il y a des renégats, en effet, qui ont coutume, lorsqu'ils ont l'intention de retourner en pays de chrétiens, d'emporter avec eux quelques attestations des captifs de qualité où ceux-ci certifient, dans la forme qu'ils peuvent employer, que ce renégat est homme de bien, qu'il a rendu service aux chrétiens, et qu'il a l'intention de s'enfuir à la première occasion favorable. Il y en a qui recherchent ces certificats avec bonne intention, d'autres par adresse, et pour en tirer au besoin parti. Ils viennent voler en pays chrétien, et s'ils font naufrage, ou s'ils sont arrêtés, ils tirent leur certificat, et disent qu'on verra par ces papiers qu'ils avaient le dessein de revenir à la foi chrétienne, et que c'est pour cela qu'ils étaient venus en course avec les autres Turcs. Ils se préservent ainsi du premier mouvement d'horreur, se réconcilient avec l'Église, sans qu'il leur en coûte rien, et dès qu'ils trouvent leur belle, ils retournent en Berbérie faire le même métier qu'auparavant. D'autres font réellement usage de ces papiers, les recherchent à bonne intention, et restent dans les pays chrétiens. Un de ces renégats était l'ami dont je viens de parler, lequel avait des attestations de tous nos camarades, où nous rendions de lui le meilleur témoignage qu'il fût possible. Si les Maures eussent trouvé sur lui ces papiers, ils l'auraient brûlé tout vif. J'appris qu'il savait assez bien l'arabe, non seulement pour le parler, mais pour l'écrire. Toutefois, avant de m'ouvrir entièrement à lui, je le priai de me lire ce papier que j'avais par hasard trouvé dans une fente de mon hangar. Il l'ouvrit, le regarda quelque temps avec soin, et se mit à le plier entre ses dents. Je lui demandai s'il le comprenait. « Très bien, me dit-il, et si vous voulez que je vous le traduise mot pour mot, donnez-moi une plume et de l'encre. Ce me sera plus facile. » Nous lui donnâmes aussitôt ce qu'il demandait, et se mit à traduire peu à peu. Quand il eut fini, « Tout ce qui est ici en espagnol, dit-il, c'est ce que contient le papier, sans qu'il y manque une lettre. Il faut seulement prendre garde qu'où il y a l'Ella Mariem, cela veut dire Notre-Dame la Vierge Marie. » Nous lûmes alors le billet, qui était ainsi conçu. Quand j'étais enfant, mon père avait une esclave qui m'apprit dans ma langue la Zala chrétienne et qui me dit bien des choses de l'Ella Mariem. La chrétienne mourut, et je sais qu'elle n'est point allée au feu, mais auprès d'Allah, car depuis je l'ai vue 2 fois. Il m'a dit d'aller en pays de chrétiens pour voir l'Ella Mariem, qui m'aime beaucoup. Je ne sais comment y aller. J'ai vu bien des chrétiens par cette fenêtre, mais aucun ne m'a paru gentilhomme, si ce n'est toi. Je suis belle et jeune, et j'ai beaucoup d'argent à emporter avec moi. Vois si tu peux faire en sorte que nous nous en allions. Là, tu seras mon mari si tu veux l'être, et si tu ne veux pas, cela me sera égal, car l'Ella Mariem me donnera bien quelqu'un avec qui me marier. C'est moi qui écris cela, mais prends garde à qui tu le feras lire, et ne te fie à aucun mort, car ils sont tous trompeurs. Cela me fait grand-peine, et je voudrais que tu ne découvrisses à personne, car si mon père le sait, il me jettera sur le champ dans un puits et me couvrira de pierres. Je mettrai un fil au jonc, attache-y ta réponse, et si tu n'as personne qui te l'écrive en arabe, fais-la moi par signe. L'Ella Mariem fera que j'entendrai. Qu'elle et Allah te conservent, ainsi que cette croix, que je baisse souvent, comme me l'a recommandé la captive. Maintenant, Seigneur, voyez s'il était juste que le contenu de ce billet nous surprit et nous enchanta. Notre étonnement et notre joie éclatèrent de façon que le renégat s'aperçut bien que ce papier n'avait pas été trouvé par hasard, mais qu'il avait été réellement écrit à l'un de nous. Il conjura donc, si ce qu'il soupçonnait était la vérité, de nous fier et de nous ouvrir à lui, nous promettant de hasarder sa vie pour notre délivrance. En parlant ainsi, il tira de son sein un petit crucifix de métal, et versant d'abondantes larmes, il nous jura, par le Dieu que représentait cette image, et auquel, bien que pécheur et méchant, il avait fidèlement conservé sa croyance, de nous garder le plus loyal secret sur tout ce qu'il nous plairait de lui découvrir. Il lui semblait, à ce qu'il nous dit, ou plutôt il pressentait que, par le moyen de celle qui avait écrite ce billet, nous devions tous obtenir notre liberté, et lui, l'objet de ses ardents désirs, qui était de rentrer dans le giron de la Sainte Église, sa mère, dont il était séparé comme un membre pourri par son ignorance et son péché. C'était avec tant de larmes et avec de telles marques de repentir que le renégat parlait de la sorte que tous, d'un commun avis, nous consentîmes à lui révéler la vérité de l'aventure et nous lui en rendîmes en effet un compte exact sans rien lui cacher. Nous lui fîmes voir la petite fenêtre par où se montrait le bâton de roseau et lui, remarquant avec soin la maison, promit qu'il mettrait tous ses soins à s'informer des gens qui l'habitaient. Nous pensâmes aussi qu'il serait bon de répondre sur le champ au billet de la mauresque, et comme nous avions maintenant quelqu'un qui sut le faire, le renégat écrivit aussitôt la réponse que je lui dictais, et dont je vais vous dire ponctuellement les propres expressions. Car, de tous les détails importants de cette aventure, aucun ne m'est sorti de la mémoire, ni ne m'en sortira tant qu'il me restera un souffle de vie. Voici donc ce que je répondis à la mauresque. Que le véritable Allah te conserve, madame, ainsi que cette bienheureuse Mariam, qui est la véritable mère de Dieu, et celle qui t'a mis dans le cœur de t'en aller en pays de chrétiens parce qu'elle t'aime tendrement. Prie-la de vouloir bien te révéler comme tu pourras mettre en œuvre ce qu'elle t'ordonne. Elle est si bonne qu'elle le fera. De ma part, et de celle de tous les chrétiens qui se trouvent avec moi, je t'offre de faire pour toi ce que nous pourrons, jusqu'à mourir. Ne manque pas de m'écrire pour m'informer de ce que tu penses faire. Je te répondrai toujours. Le grand Allah nous a donné un chrétien captif qui sait parler, écrire ta langue aussi bien que tu le verras par ce billet. Ainsi, sans avoir aucune inquiétude, tu peux nous informer de tout ce que tu voudras. Quant à ce que tu dis que, si tu arrives en pays de chrétiens, tu dois être ma femme, je te le promets comme bon chrétien, et tu sais que les chrétiens tiennent mieux que les morts ce qu'ils promettent. Qu'Allah et Mariam, sa mère, t'aient en leur sainte garde. Quand ce billet fut écrit et cacheté, j'attendis 2 jours que le bagne fût vide, comme d'habitude, et j'allai aussitôt à la promenade ordinaire de la terrasse pour voir si la canne de jonc paraîtrait. Elle ne tarda pas beaucoup à se montrer. Dès que je la vis, bien que je ne puisse voir qui la tenait, je montrai le papier comme pour faire entendre qu'on attacha le fil. Mais déjà il pendait au bâton. J'y liai le billet, et peu de moments après, nous vîmes de nouveau paraître notre étoile, avec sa blanche bannière de paix, le petit mouchoir. On le laissa tomber, j'allai le ramasser aussitôt, et nous y trouvâmes, en toutes sortes de monnaies d'or et d'argent, plus de 50 écus, lesquels doublèrent 50 fois notre allégresse, et nous affermirent dans l'espoir de la délivrance. Cette même nuit, notre renégat revint au bagne. Il nous dit qu'il avait appris que dans cette maison vivait en effet le mort qu'on nous avait indiqué, nommé Haji Morato, qu'il était prodigieusement riche, qu'il avait une fille unique, héritière de tous ses biens, qui passait unanimement dans la ville pour la plus belle femme de toute la Berbérie, et que plusieurs des vice-rois qui étaient venus dans la province l'avaient demandée pour femme, mais qu'elle n'avait jamais voulu se marier. Enfin, qu'elle avait eu longtemps une esclave chrétienne, morte depuis peu. Tout cela se rapportait parfaitement au contenu du billet. Nous tînmes ensuite conseil avec le renégat sur le parti qu'il fallait prendre pour enlever de chez elle la mauresque et venir tous en pays chrétien. Il fut d'abord résolu qu'on attendrait le second avis de Zoraïde, c'est ainsi que s'appelait celle qui à présent s'appelait Marie, car nous reconnûmes bien qu'elle seule et personne autre pouvait trouver une issue à ces difficultés. Après nous être arrêtés à cela, le renégat nous dit de prendre courage et qu'il perdrait la vie ou nous rendrait la liberté. Pendant 4 jours entiers, le bagne resta plein de monde, ce qui fut cause que le bâton de jonc tarda 4 jours à paraître. Au bout de ce temps, et dans la solitude accoutumée, il se montra enfin, avec un paquet si gros qu'il promettait une heureuse portée. Le jonc s'inclina devant moi, et je trouvais dans le mouchoir un autre billet avec 100 écus d'or, sans aucune monnaie. Le renégat se trouvait présent. Nous lui donnâmes à lire le papier dans notre chambrée. Voici ce qu'il contenait. Je ne sais, monseigneur, quel parti prendre pour que nous allions en Espagne. Et Lella Mariem ne me l'a pas dit, bien que je le lui ai demandé. Ce qui pourra se faire, c'est bien que je vous donne par cette fenêtre beaucoup de pièces d'or. Rachetez-vous avec cet argent, toi et tes amis, et qu'un de vous s'en aille en pays de chrétiens, qu'il y achète une barque, et qu'il revienne chercher les autres. On me trouvera, moi, dans le jardin de mon père, qui est à la porte de Bab Azoun, près du bord de la mer, où je passerai tout l'été avec mon père et mes serviteurs. De là, pendant la nuit, vous pourrez m'enlever facilement et me conduire à la barque. Et fais bien attention que tu dois être mon mari, car sinon je prierai Mariem qu'elle te punisse. Si tu ne te fies à personne assez pour l'envoyer chercher la barque, rachète-toi et vas-y. Je sais que tu reviendras plus tôt qu'un autre, puisque tu es gentilhomme et chrétien. Tâche de savoir où est le jardin. Quand tu viendras te promener par là, je saurai qu'il n'y a personne au bagne. Et je te donnerai beaucoup d'argent. Qu'Allah te conserve, mon Seigneur. Tel était le contenu du second billet, et dès que nous en eûmes tous pris connaissance, chacun s'offrit pour être racheté et remplir la mission, promettant d'aller et de revenir avec la plus grande ponctualité. Moi-même, je m'offris comme les autres. Mais le renégat s'opposa à toutes ces propositions, disant qu'il ne permettrait pas qu'aucun de nous fût mis en liberté avant que tous les autres le fussent en même temps. Parce que l'expérience lui avait appris combien, une fois libre, on tenait mal les paroles données dans l'esclavage. Très souvent, disait-il, des captifs de grande naissance avaient employé ce moyen, rachetant quelqu'un de leurs compagnons pour qu'il allât, avec de l'argent, à Valence ou à Majorque, armer une barque et revenir chercher ceux qui lui avaient fourni sa rançon. Mais jamais on ne les avait revus, parce que le bonheur d'avoir recouvré la liberté et la crainte de la perdre encore effaçaient de leurs souvenirs toutes les obligations du monde. Pour preuve de cette vérité, il nous raconta brièvement une aventure qui était arrivée depuis peu à des gentilshommes chrétiens, la plus étrange qu'on ait ouï compter dans ces parages, où chaque jour se passent des choses étonnantes. Enfin, il finit par nous dire que ce qu'il fallait faire, c'était de lui donner à lui l'argent destiné à la rançon du chrétien pour acheter une barque à Alger même, sous prétexte de se faire marchand, et de négocier avec Tétouan et les villes de la côte, et que lorsqu'il serait maître de la barque, il trouverait facilement moyen de nous tirer du bagne et de nous mettre tous à bord. D'ailleurs, ajouta-t-il, si la mauresque, ainsi qu'elle le promet, donne assez d'argent pour vous racheter tous, rien ne sera plus facile, une fois libre, que de vous embarquer au beau milieu du jour. La plus grande difficulté qui s'offre, c'est que les morts ne permettent à aucun renégat d'acheter ou d'avoir une barque en leur possession, mais seulement de grands navires pour aller en course, parce qu'ils craignent que celui qui achète une barque, surtout s'il est espagnol, ne la veuille avoir uniquement pour se sauver en pays chrétien. Mais je lèverai cet obstacle, en mettant un mort tagarin de moitié dans l'acquisition de la barque, et les bénéfices du négoce. Sous l'ombre de son nom, je deviendrai maître de la barque, et je tiens dès lors tout le reste pour accompli. Bien qu'il nous eût paru préférable à mes compagnons et à moi, d'envoyer chercher la barque à Majorque, ainsi que le disait la mauresque, nous n'osâmes point contredire le renégat, dans la crainte que si nous ne faisions pas ce qu'il demandait, il ne nous découvrit et ne mit en danger de mort nous et Zoraïde, pour la vie de qui nous aurions donné tous les nôtres. Ainsi, nous résolûmes de remettre notre sort dans les mains de Dieu et dans celles du renégat. On répondit à l'instant même à Zoraïde en lui disant que nous ferions tout ce qu'elle nous conseillait, parce que son idée était aussi bonne que si Lella Mariem la lui eût communiquée, et que c'était à elle seule qu'il appartenait d'ajourner ce projet ou de le mettre immédiatement en œuvre. Je renouvelai enfin, à la suite de cette lettre, la promesse d'être son époux. Et un autre jour que le bagne se trouvait solitaire, elle nous descendit, en différentes fois, avec la canne et le mouchoir, jusqu'à 2000 écus d'or. Elle disait, dans un billet, que le prochain Jiouma, qui est le vendredi, elle allait au jardin de son père, mais qu'avant de partir, elle nous donnerait encore de l'argent, que si cela ne suffisait pas, nous n'avions qu'à l'en avertir, qu'elle nous en donnerait autant que nous lui en demanderions, parce que son père en avait tant qu'il n'y ferait pas attention, et que d'ailleurs, elle tenait les clés de toutes choses. Nous remîmes aussitôt 500 écus au renégat pour l'achat de la barque. Avec 800 écus, je me rachetais. J'avais donné l'argent à un marchand valencien qui se trouvait en ce moment à Alger. Celui-ci me racheta du roi, mais sur parole, et en s'engageant à payer ma rançon à l'arrivée du premier vaisseau qui viendrait de Valence, car s'il eût aussitôt déboursé l'argent, serait donné au roi le soupçon que ma rançon était depuis plusieurs jours à Alger, et que pour faire un bénéfice, le marchand n'en avait rien dit. Finalement, mon maître était si madré que je n'osais point lui faire compter l'argent tout d'abord. La veille du vendredi où la belle Zoraïde devait aller au jardin d'été, elle nous donna encore 1000 écus d'or, et nous informa de son prochain départ, en me priant, dès que je serai racheté, de me faire indiquer le jardin de son père et de chercher, en tout cas, l'occasion d'y aller et de la voir. Je lui répondis en peu de mots que je ne manquerais pas de faire ainsi et qu'il eut bien soin de nous recommander à Léla Mariem avec toutes ces oraisons que l'esclave lui avait enseignées. Cela fait, on prit des mesures pour que nos trois compagnons se rachetassent aussi afin de faciliter leur sortie du bagne et que me voyant racheté et eux non, tandis qu'il y avait de l'argent pour le faire, le diable n'alla pas leur monter la tête et leur persuader de faire quelques sottises au détriment de Zoraïde. Bien que leur qualité pût me préserver de cette crainte, cependant je ne voulus pas laisser courir une telle chance à l'affaire. Je les fis donc racheter par le même moyen que j'avais pris pour moi, en remettant d'avance l'argent de la rançon au marchand, pour qu'il puisse s'engager en toute sécurité. Mais jamais nous ne lui découvrîmes notre secret complot. Cette confidence eût été trop dangereuse.